بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، فلا زالت دراستنا متواصلة لكتاب الشيخ النجمي حفظه الله تعالى وشافاه وعافاه، المورد العذب الزلال. Nous continuons notre étude autour de ce livre de Cheikh Najm, de son éminence Cheikh Najmi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse. Le livre est intitulé La source délicieuse et abondante dans la critique de certaines croyances et de certaines voies dans la da'wa. Et nous sommes au 33e tour, cours aujourd'hui, Inch'Allah. ونحن مع الدرس الثالث والثلاثون، وقفنا عند الملاحظة الثانية والعشرون. يقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى وشافاه وعافاه: مغالاتهم في شخص البنا، ومن ذلك ما ذكره جابر الرزق نقلا عن مجلة الدعوة السنة الأولى، العدد السابع، العدد الثامن، جماد الأولى، سنة 1370، لصالح عشماو عن الحسن البنا، قال فيها: قد كنت أوتر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأحياء. ثم قال: رحم الله حسن البنا، فقد كان فلتة من فلتات الطبيعة، قل ما يجود الزمان بمثله، وهو لم يمت بل حي عند ربه يرزق. انتهى كلامه. La 23e critique qui met Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala sur l'Ikhwan Muflisoun, il dit que ils sont allés à l'extrême dans la personnalité de Cheikh Al-Banna Rahimahullah, et prouve cela ce qu'a cité Jaber Rizq. Il l'a copié directement de la revue de Da'wa dans sa première année, dans la première année de cette revue, le numéro 8 de l'an 1380 de l'Hégire. Et Salih al-Hashmawi dit de Hassan al-Banna dans cette revue: je voulais que toi tu me plains, mais toi tu es celui qui est équitable avec les morts et qui prend que tu es équitable avec les morts et tu prends le droit des morts des vivants. Et ceci est très dangereux, parce que ce poème dans lequel il fait l'éloge à Hassan al-Banna, il donne à Hassan al-Banna, a'oudou billah, une des particularités d'Allah Azza wa Jal, qui est le fait d'être équitable pour les morts des vivants. Ceci est très dangereux. Et il a dit toujours qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde Hassan al-Banna, car il était une esquive parmi l'esquive de la nature. Ça veut dire que c'est la nature qui l'a créé, non pas Allah Azza wa Jal. Il dit: le temps ne peut pas donner quelque chose comme Hassan al-Banna, et que Hassan al-Banna n'est pas mort, mais qu'il est toujours vivant chez Allah, et il a sa subsistance chez Allah Azza wa Jal. Regardez ces paroles qui sont très dangereuses. Il dit que Hassan al-Banna, c'est une esquive de la nature, c'est-à-dire créée par la nature, et que le temps ne donne pas n'est pas généreux à donner une personnalité comme Hassan al-Banna. C'est comme si c'est le temps qui donne la vie et la mort. Et que Hassan al-Banna n'est pas mort, mais il est toujours vivant chez son Seigneur. Yaqulu Sheikh Abu Malik al-Juhani, ghuluhum fi Hassan al-Banna hadha أمر عظيم فهذا البيت قاله أحمد شوقي في رتاء حافظ إبراهيم يقول فيه قد كنت أفضل أن تقول رثائي أي يفضل لو مات قبله ويقول أحمد شوقي لحافظ إبراهيم أنت تنصف الموتى من الأحياء وهذا البيت عليه ملاحظات شرعية فكلمة يا منصف الموتى من الأحياء هذا وصف عظيم فالله هو الذي ينصف فالمقصود أن هذه الكلمة قالها شاعر ولكن أن يأتي رجل إسلامي ويقولها للبنا فهذا هو عين الغلو أن هذه ثم قوله فلتة من فلتات الطبيعة فهذا كلام الملاحدة الذين ينسبون الأشياء إلى الطبيعة كيف خرج هذا الكلام الخطير من رأس هذا الرجل ولعله قال هذا الكلام وما تأمل ما فيه من عظائم فالله المستعان et Cheikh Abu Malik al-Juhani de nous dire, c'est-à-dire ils vont trop loin dans les éloges qu'ils font à Hassan al-Banna, ils vont aux extrêmes. Et cette poésie que Cheikh Najmi a citée ici, Ahmed Shawqi l'a dit en ce qui concerne Hafid Ibrahim. Il a dit, c'est, j'aurais préféré que je sois mort avant que toi et que c'est toi qui fasse mes condoléances et qui parle de moi, etc. Et cette parole, c'est un poète qui l'a dit. Et donc, il lui a dit, toi, tu prends la justice du vivant pour les morts. Et dans ce vers, dans ce poème, il y a des critiques énormes, des critiques au niveau de la législation. Car le fait de dire, ya munsif al-mawta min al-ahya, ou celui qui prend le droit des morts des vivants, ceci est une description énorme. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ceci. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui prend le droit des morts des vivants. Et cette parole a été dite par un poète, mais qu'un islamiste, qu'un homme qui fait da'wa, il vient, il l'a dit en ce qui concerne Hassan al-Banna, ça c'est aller aux extrêmes. Et qu'ils disent que Hassan al-Banna est une esquive parmi les esquives de la nature. Ceci, ce sont les paroles. C'est-à-dire que c'est une créature. Parmi les créatures de la nature, ceci, c'est la parole des athées qui attribuent toutes les choses à la nature. Comment ces paroles dangereuses, sont sorties de la tête d'un homme? Et peut-être que cet homme a dit ceci sans qu'il le médite. Mais Allah al-Musta'an. فيقول الشيخ الجهني حفظه الله تعالى فهذا الكلام كفر ولعل قائله ما يعلم ما فيه والقاعدة عند أهل السنة التفريق بين القول والقائل فقد يكون القول كفرا ولا يكفر صاحبه لأن الشروط لم تتوفر والموانع لم تنتفي وهذا منهج أهل السنة والجماعة والقاعدة تقول فلنحفظها بارك الله فيكم ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. Donc ces paroles que nous venons d'entendre sont très dangereuses. Ce sont des paroles de mécréance. Et peut-être que celui qui les a dit ne sait pas ce qu'il a dit. Mais la règle, c'est les gens de la sunna, c'est qu'ils font la différence entre la parole et celui qui l'a dite. La parole peut être du domaine de la mécréance, mais cela ne fait pas de la personne qu'il est mécréant, sauf parce que peut-être que les conditions ne sont pas réunies pour faire de lui un mécréant, et parce que il y a des obstacles qui empêchent, comme les ambiguïtés, les fausses interprétations et autres. Et la voix des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, et cette règle, nous devons la prendre et la voir en face de nous. C'est pas toute personne qui dit une mécréance ou là qui tombe dans une mécréance devient directement mécréant. Et pas toute personne qui dit une innovation ou là qui fait une innovation devient directement un innovateur. Ceci est très important. ولأهل السنة على هذه القاعدة أدلة ومنها الرجل الذي فقد راحلته في الصحراء وبعد أن ظن الهلاك إذا به يجد راحلته فقال فرحا اللهم أنت عبدي وأنا ربك قالها عليه الصلاة والسلام وأنا ربك قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح ولم يقل عليه الصلاة والسلام كفر وإنما قال أخطأ فالإنسان يصيبه ذهول ينسى يتأول والمقصود أن هناك تمت موانع تمنع من تكفيره ولكن هذه العبارة في حد ذاتها عبارة كفرية. Et les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna ont des preuves pour tout ça. Parmi ces preuves, cet homme qui était dans le désert et qui a perdu sa monture. Il a cru qu'il allait périr. Il s'est endormi sous un arbre, attendant la mort. Et tout d'un coup, il revoit sa monture. Et il a dit par réjouissance, « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit cette phrase et ces expressions, il a commis une erreur parce qu'il était, comblé de joie. Parce que l'homme était comblé de joie, il est tombé dans cette erreur, il a dit cette phrase par erreur. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit qu'il a mécru, mais il a dit qu'il est tombé dans l'erreur. Parce que l'être humain, il lui arrive d'oublier, d'être accaparé par une situation, de faire une fausse interprétation. Donc ce qui est voulu ici, c'est qu'il y a certains obstacles qui empêchent que la personne, quand il dit quelque chose, qu'il commet un acte, ne devient pas directement mécréant. Alors que l'expression ou l'acte qu'il a fait est du domaine de la mécréance. Comme il s'agit ici de cette phrase qu'a dit Salih al-Ashmawi du Hassan al-Banna. يقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى نقدا لهذه السطور يقول عافاه الله وشافاه ومتعنا بعلمه قلت في هذين السطرين وبعض السطر عدة أخطاء. الخطأ الأول في قوله يا منصف الموتى من الأحياء، وذلك أن إنصاف الموتى من الأحياء من خصائص الله سبحانه وتعالى الذي يعلم حال الموتى وحال الأحياء وما ظلموا به وما ظلموا به الموتى ويقدر على إنصافهم منهم. Et Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse et qu'il nous fasse profiter de sa science et de sa clairvoyance. Dans ces deux lignes, il dit, en critiquant ces deux lignes qu'on vient de lire, il a dit, il y a beaucoup d'erreurs dedans. Il dit la première erreur quand il a dit, ô toi qui rends la justice aux morts des vivants, qui fait cette équité et qui rend la justice des morts, de l'injustice que l'auront commis sur eux les vivants. Ça, c'est une particularité d'Allah. Sauf Allah, subhanahu wa ta'ala, connaît la situation des morts et la situation des vivants. Et commis les injustices qu'ont fait les vivants sur les morts. Et c'est lui le seul capable de donner cette équité et de faire cette justice. كذلك الخطأ الثاني يقول الشيخ النجمي حفظه الله قوله فقد كان فلتة من فلتات الطبيعة وقائل هذا القول كأنه يقر إسناد خلق هذا الكون إلى الطبيعة وكأن الطبيعة هي الخالقة لهذا الكون ولها فيه خلق منظم وخلق غير منظم بل هو فلتات والفلتة هو الشيء الذي يأتي مصادفة من غير سابق تقدير ونظر وهذه عقيدة الملحدين الذين يزعمون أن الطبيعة هي الموجدة لهذا الكون والمتصرفة فيه ومن اعتقد هذا الاعتقاد كفر. Et la deuxième erreur du Cheikh Najmi Hafidhahullah quand il a dit que Hassan al-Banna est une esquive parmi les esquives de la nature, c'est-à-dire est une créature parmi les créatures de la nature. Et il dit, celui qui dit ceci, il est en train de dire que il est en train d'attribuer la création à la nature et que la nature c'est elle qui crée, qui a créé cet univers et que dans cet univers, il y a quelque chose qui est perfectionné, qui est organisé, ou d'autres choses qui viennent comme ça au hasard, qui sont des esquives comme ça, et qui sont des choses qui arrivent comme ça au hasard, sans qu'il y ait un destin qui les a devancés. Et ça, dit Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, ce sont les croyances des athées qui prétendent que la nature, c'est elle qui fait exister, qui a fait exister cet univers, et c'est elle qui gère cet univers. Il dit, ceux qui croient cette croyance, il a mieux cru. Celui qui la croit, il a mieux cru. ويقول حفظه الله تعالى وشافاه وعافاه الخطأ الثالث في قوله قل ما يجود الزمان بمثله وجه الخطأ فيه أن الزمان هو الذي يجود أحيانا برجل أو رجال مثل البنا وفي هذا إسناد الخلق إلى الزمان لا إلى الله عز وجل الذي هو خالق كل شيء. إلى troisième erreur qui est dans cette parole dans laquelle l'Ashmaoui a été aux extrêmes dans les éloges de Hassan al-Banna, il a dit que et le temps ne donne pas des personnes, rarement que le temps donne des personnes comme Hassan al-Banna. Et le cas de figure de l'erreur ici, c'est que il attribue l'existence de Hassan al-Banna à quoi? Au temps. Et que le temps fait exister de temps en temps des hommes comme Hassan al-Banna. Et ceci, c'est attribuer la création au temps. Et non pas Allah Azza wa Jal, qui est le créateur de tout et le créateur du temps. ويقول حفظه الله تعالى وشافاه وعافاه ومتع به الخطأ الرابع قوله عن البنا وهو لم يمت بل حي عند ربه يرزق يقول هذا كذب على الله وقد ولد في الصحيح من حديث أم العلاء قالت طار لنا عثمان بن مضعون فمرضناه فلما توفي قلت شهادتي عليك أبا السائب لقد أكرمك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه قالت بأبي وأمي أنت يا رسول الله والله ما أدري فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني والله وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. Et le quatrième point et la quatrième critique de ces phrases, c'est quand il a dit de l'Banna qu'il n'est pas mort, qu'il est chez Allah Azza wa Jalla, qu'il a sa subsistance chez Allah Azza wa Jalla. Et ça, c'est un mensonge sur Allah Azza wa Jalla. Il nous a été rapporté dans l'authentique du hadith d'Umm al-Ala. Il a dit quand Uthman ibn Mad'un est mort après sa maladie, j'ai dit, sa femme a dit, mon témoignage pour toi, Abba Sa'ib, c'est qu'Allah, il t'a honoré et il t'a comblé. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, qu'est-ce que t'en sais? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré et l'a comblé. Qu'est-ce que t'en sais? Il lui a dit, hein? Par Allah, j'en sais rien, ô prophète d'Allah. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je suis par Allah, et moi je suis le messager d'Allah, je ne sais pas ce qu'il sera fait de moi, ni de vous. Et comparer ça à la parole de l'Ashmaoui pour Hassan al-Banna. Et la parole du prophète, alayhi sallam, par Allah, je suis le messager d'Allah, azza wa jal, et je ne sais pas ce qui sera fait de moi, ni de vous. وعلى هذا يقول الشيخ وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يقطع بأن فلانا عند ربه يرزق ولكن يقول أرجو له الخير وأرجو له الجنة وأرجو أنه شهيد. Et de là, Cheikh Najmi de nous dire, il n'est pas permis à quelqu'un de dire que telle personne, il est chez son Seigneur, il reçoit sa subsistance. Mais il doit dire, il faut qu'il dise, j'espère pour lui le bien, j'espère pour lui le paradis, j'espère pour lui qu'il est martyr. Voilà ce qu'il doit dire. ويقول الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في أسفل الصفحة بوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح فقال باب لا يقال فلان شهيد ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بمن يجاهد في سبيله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. Et dans son commentaire en bas de la page, Cheikh Mohamed Ibn Hadi al-Madkhali rahmatullah alayhi, il dit, l'imam al-Bukhari rahmatullah alayhi a ouvert un chapitre dans l'authentique. Il a dit, chapitre, on ne dit pas de quelqu'un qu'il est martyr. Hein? Et il a dit, toujours l'imam al-Bukhari, il a dit, Abu Huraira a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala grec, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, sauf Allah, c'est celui qui combat pour lui. Et sauf Allah, c'est celui qui est blessé sur ce sentier. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît l'attention de la personne. ويقول الشيخ محمد بن هادي المدخلي وهذا الذي أورده عن أبي هريرة رضي الله عنه معلقا هنا قد أخرجه في كتاب الجهاد باب أفضل الناس مؤمن المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله والحديث أخرجه في كتاب الجهاد باب من يجرح في سبيل الله عز وجل من طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله الحديث وهذه الجملة والله أعلم معترضة قصد بها التنبيه على شرطية الإخلاص في نيل هذا الثواب وهذا قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى Et Cheikh Mohamed Ibn Hadi al-Madkhali dit en commentaire de ce qu'il vient de citer en bas de la page, est-ce que a rapporté l'imam Bukhari d'Abu Hurayra radiallahu subhanahu wa ta'ala anhu, hein, l'attribuant à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, a dit il l'a sorti aussi dans le livre du jihad, chapitre Les meilleurs des gens, un croyant combattant qui combat avec son corps, sa fortune, sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. Il l'a sorti de la voix de Tariq, de la voix de Saïd ibn al-Musayyib, d'Abu Hurayra radiallahu anhu. Il a dit, j'ai entendu le prophète alayhi salam, il a dit, l'exemple du combattant sur le sentier d'Allah Azza wa Jal, et sauf Allah, c'est qui combat sur son sentier. Et sauf Allah, c'est qui combat sur son sentier. Il l'a sorti aussi dans le livre du jihad, chapitre « Celui qui se blesse sur le sentier d'Allah Azza wa Jal ». Il l'a rapporté de la voix de l'Araj, d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par celui qui tient mon âme entre ses mains, que quelqu'un se blesse sur le sentier d'Allah Azza wa Jal ». Il a rajouté, et juste à côté un trait, il a dit « Sauf Allah, c'est qui est blessé sur son sentier ». Et cette phrase « Et sauf Allah, c'est » Il est là pour attirer notre attention, comme il a dit le Hafid ibn Hajar, pour attirer l'attention qu'en quoi la condition, c'est d'être sincère pour Allah Azza wa Jal pour avoir cette récompense. Et aussi, Cheikh Mohamed Ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala, il dit, « Wa qawl al-Bukhari, bab la yuqal fulan shahid, qal al-Hafid, ay ala sabili al-qat'i bidhalik, illa imkana bil-wahi, wa kannau ya'ni al-Bukhari rahimahullah ta'ala, أشار إلى حديث عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيدا ولعله قد يكون قد أوقر راحلته ألا لا تقول قد أوقر أوقر راحلته ألا لا تقول ذلك ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات في سبيل الله وقتل فهو شهيد وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما وله شاهد مرفوع أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن السرت عند أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعدون الشهيد قالوا من أصابه السلاح قال كم من أصابه السلاح وليس بشهيد ولا حميد وكم من مات على فراشه حتف أنفه عند الله صديق وشهيد وهذا في إسناده نظر دوك الشيخ محمد بن هادي المدخلي دي chapitre dont la parole du cheikh de l'imam Bukhari rahmatullah alayhi chapitre qu'on ne dit pas de quelqu'un qui est martyr le hafid alaykoum salam rahmatullah le hafid a dit cela il faut pas être sûr de dire ouais quelqu'un celui-là il est martyr sauf si on a une révélation sauf si on a la parole d'Allah azza wa jal ou l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam et comme c'est et cheikh Mohamed Nadi al-Madkhali rahmatullah ta'ala il dit comme c'est Hein? Cheikh al-Bukhari, l'imam al-Bukhari, rahmatullah alayhi, fait allusion au hadith d'Omar, radiyallahu anhu, qu'un jour il a fait une khutba, il a dit, vous dites de votre combattant, telle personne il est martyr, telle personne est morte martyr. Peut-être que tout simplement il a fatigué et il a tué sa monture. Ne dites pas ceci, mais dites, comme a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, celui qui meurt sur le sentier d'Allah azzawajal, ou qui se fait tuer, il est martyr. Celui qui meurt sur le sentier d'Allah azzawajal, ou qui se fait tuer, il est martyr. Et ça, c'est un bon hadith qui est rapporté par Ahmed et par de Saïd ibn Mansour et d'autres. Et il a un témoignage, un hadith qui est attribué directement au prophète alayhi salam, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, hein, qu'est-ce que vous considérez comme martyr? Ils ont dit quelqu'un qui a été tué par l'arme. On dit, et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de leur dire, combien de personnes ont été tuées par les armes? Ils ne sont pas martyrs, ils ne sont pas loués non plus. Et combien de personnes sont mortes dans leur lit, malgré eux? Ils sont chez Allah, Azzawajal dit véridique et dit martyr. Mais dans la chaîne de transmission de ce dernier, il y a quelque chose qui ne va pas. وقال الحافظ أيضا وعلى هذا المراد النهي عن تعيين وصف واحد بعينه بأنه شهيد بل يقال ذلك على طريق الإجمال وانظر الفتح. Et le Hafid, rahmatullah alayh, dans son interprétation de Sahih Muslim, il dit, partons de là, on n'a pas à désigner quelqu'un comme quoi il est martyr, désigner une personne directement qu'il est martyr. Mais on le dit dans le sens large du terme, on espère qu'il soit martyr, hein, et que celui qui est tué sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un martyr. يقول الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى انظر اخي طالب العلم رعاك الله ووفق لك لكل خير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام اصحابه رضي الله عنهم وكلام اهل العلم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الاخوان المسلمين في هذا الذي تعج به صحفهم ومجلاتهم فاللهم انا نسالك الفقه في الدين. الشيخ النجمي الشيخ محمد بن هادي المدخلي دي حفظه الله تعالى regarde frère qui demande la science. Que Allah subhanahu wa ta'ala t'accomplisse dans ta demande. Que Allah subhanahu wa ta'ala te protège. Regarde la parole du prophète alayhi salatu wasalam, et la parole de ses compagnons. Et regarde la parole des hommes de science et ceux qui connaissent la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Et regarde la parole des frères musulmans, hein, ce qu'ils écrivent dans leurs journaux et dans leurs revues. Allah subhanahu wa ta'ala nous demandons la compréhension de la religion. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'égarement d'el ikhwa al-muflisoun. فعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بجنة أو نار من المسلمين ولكن يرجون للمحسن إلا إذا جاءهم نص ولكن يرجون للمحسن ويخافون على المسيء وهذه هي العقيدة السلفية. فأبو بكر نشهد له بأنه في الجنة وعمر كذلك وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة فلا اقتعوا لهؤلاء أنهم في الجنة ولكل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة. لما؟ لأنه عندنا الدليل من شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc la croyance des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, ils n'attestent pas du paradis ou de l'enfer pour un musulman, mais ils espèrent, sauf s'ils ont un texte, mais ils espèrent pour celui qui a fait le bien parmi eux, ils espèrent pour lui le paradis. Ils ont peur pour celui qui a fait mal, ils ont peur pour lui de l'enfer. Et ça, c'est l'aqida salafite par excellence et authentique. Abu Bakr, on lui atteste qu'il est au paradis. Omar, on atteste qu'il est au paradis. Uthman et Ali, on leur atteste qu'ils sont au paradis. Talha et Zubair, on leur atteste qu'ils sont au paradis. Saad et Abdurrahman ibn Auf et Aba Ubaida, on atteste irréfutablement qu'ils sont au paradis. Tous ceux-là et d'autres que nous a annoncé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on atteste qu'ils sont au paradis parce que l'attestation nous est venue min al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous avons une preuve irréfutable de notre prophète alayhi salatu wasalam. Donc, nous basons notre attestation sur la parole de notre prophète alayhi salatu wasalam. فلا نشهد الا بنص ولكن نرجو للمحسن ونخشى على المسيء. فقوله عن البنا وهو لم يمت بل حي عند ربه يرزق هذا لا يجوز. فهذه عقيدة لا تجوز. فلا يجوز هذا القول بل نرجو للمحسن ونخشى للمسيء. دوك نو nous imitons notre nous attestons. Ya Allah, vas-y. J'arrive plus à prononcer. Nous attestons, notre attestation doit émaner avec un texte, doit avoir une preuve d'un texte. Mais quand il y a un de nos morts, on dit, on espère, hein, pour celui qui a fait le bien, on espère qu'il aura la récompense minallah azza wa jal. Et nous avons peur pour celui qui a fait mal. Nous avons peur pour lui du châtiment d'Allah azza wa jal. Mais quand l'Ashmaoui a dit et que le Banna n'est pas mort et qu'il est vivant chez Allah et qu'il reçoit sa subsistance, ceci n'est pas permis. Ceci n'est pas permis. Cette parole n'est pas permise. Mais on espère pour celui qui a fait le bien et on a peur pour celui qui a fait le mal. Fa la yajuzu itlaq kalimat shahid. Kadalika la yajuzu itlaq kalimat shahid. لأننا ما ندري من هو الشهيد ولكننا كما مر نرجو له ولكن قول الإمام الشهيد هذا غلط ولكن هذه الكلمة أصبحت كالعلك في حلوق الإخوة المفلسين ما يذكرون البنا إلا ويصفونه بالإمام الشهيد يخالفون النصوص الصحيحة والعقيدة الصحيحة وما أكثر مخالفاتهم للنصوص وللعقيدة الإمام الشهيد حسن البنا الإمام سيد قطب يصفونه بالشهيد وأهل السنة والجماعة ما يتوسعون هذا التوسع ويقولون فلان شهيد يا سبحان الله هذا غلط وفيه مخالفة صريحة وواضحة للنصوص الشرعية et donc il n'est pas permis aussi de dire chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt que ce soit en Palestine ou ailleurs, celui-là c'est un martyr. Car on ne sait pas. Mais on espère pour celui qui a fait le bien. Et on espère qu'il soit martyr. Hein? Et on a peur pour celui qui a fait mal. Mais l'Ikhwan al-Muflisun ne s'arrête pas. L'imam Shahid Hassan al-Banna. Ceci c'est une erreur. Le terme imam Shahid, c'est devenu comme un chewing-gum dans la bouche de l'Ikhwan al-Muflisun. Chaque fois qu'il cite Hassan al-Banna, il le décrivent comme quoi il est imam et qu'il est martyr. Et avec ça, en agissant ainsi, ils sont en divergence avec les textes et avec les croyances authentiques. Et leurs divergences avec les textes, avec les croyances authentiques sont énormes. Ils sont beaucoup. Toujours à les entendre. L'imam Shahid Hassan al-Banna, l'imam Shahid Sayyid Qutb. Même Sayyid Qutb, ils le décrivent comme martyr. Alors que les gens de la Sunna, et ceux qui sont unanimes sur la sunna, et ceux qui suivent la voie de leur pieuse, ne s'étalent pas comme s'étale l'Ikhwan sur ces termes. Fulan Shahid, telle personne est martyr. Subhanallah, ceci est une erreur. Est une erreur flagrante. Est une divergence claire avec les textes de la législation d'Allah Azza wa Jal. Faïda qal al-qa'il Fulan Shahid, faqad jazama wa hakama lahu bil janna, lianna shuhada fil janna. وانظر تبويب الإمام البخاري رحمة الله عليه باب لا يقال فلان شهيد وصحيح البخاري كتاب معتمد عند المسلمين فالإخوة المفلسون يقرؤون صحيح البخاري أين هم من أصح الكتب بعد القرآن الكريم اي كنت كلكان دي دو كلكان كيلي مارتير دونك إلي إلكواي ريفوتابلومون كيلي دون الباغادي كار لي مارتير سون باغادي مي روغارد Le chapitre qu'a ouvert l'imam Bukhari dans son authentique chapitre, on ne dit pas de quelqu'un qu'il est martyr. Et l'authentique d'Al Bukhari, c'est la source principale des musulmans. Est-ce que l'Ikhwan al-Muflisun ne lisent pas Sahih al-Bukhari? Et c'est quoi leur position vis-à-vis de ces livres authentiques qui sont les livres les plus authentiques sur terre après le Coran al-Karim? Fata'ti الملاحظة الثالثة والعشرون تنظيم المسيرات والتظاهرات والإسلام لا يعترف بهذا الصنيع ولا يقره بل هو محدث من عمل الكفار وقد انتقل من عندهم إلينا أفكلما عمل الكفار عملا جاريناهم فيه وتابعناهم عليه يغيب منتنو la 23e critique qu'a aimé Cheikh Najmi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse, c'est quand ils organisent les marches de protestation, les grèves, les manifestations, l'islam ne reconnaît pas tout ceci. L'islam n'approuve pas ce genre hein, d'actes qui sont les manifestations, les marches et autres. Ceci est une innovation. Et ceci, c'est une caractéristique, ce sont des actes des mécréants. Ils ont été immiscés dans le pays de l'islam. C'est une influence, hein, des mécréants sur les populations musulmanes. Alors, chaque fois que les mécréants font un acte, nous devons faire comme eux et les suivre. La yakha l'islam. Non, par Allah. Inna l'islam la yantassiru bil masirati wa fadahurat. ولكن ينتصر بالجهاد الذي يكون مبنيا على العقيدة الصحيحة والطريقة التي سنها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولقد ابتلي الرسل وأتباعهم بأنواع من الابتلاءات فلم يؤمروا إلا بالصبر فهذا موسى عليه السلام يقول لبني إسرائيل رغم ما كانوا يلاقونه من فرعون وقومه من تقتيل الذكور من المواليد واستحياء الإناث يقول لهم ما أخبر الله عز وجل به عنه قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Et Cheikh Najmi de nous dire, l'islam ne va pas triompher avec les marches et avec les manifestations, mais l'islam va triompher avec le combat qui est basé sur les croyances authentiques et qui est basé sur la voie de Mohammed alayhi salam. Et les messagers alayhi salam ont été éprouvés, eux et leurs disciples, par beaucoup d'épreuves. Il leur a été ordonné d'endurer et de patienter. Prenez exemple de Moussa alayhi salam, quand il disait au peuple de Banu Israël, malgré ce qu'il subissait de Pharaon et du peuple de Pharaon, il les tuait. Il tuait leur naissance. Hein? Et ainsi de suite, ils leur ont subi beaucoup de mal. Il leur dit ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé dans le Coran. Moussa leur a dit: aidez-vous, cherchez aide auprès d'Allah azza wa jal, et patientez et endurez. Allah, la terre appartient à Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala fait hériter la terre à qui il veut parmi ses serviteurs. Il a bonne fin, il est pour ceux qui préservent les droits d'Allah azza wa jal. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبعض أصحابه لما شكوا إليه ما يلقونه من المشركين: إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل منهم فيوضع المنشار في مفرقه حتى يشق ما بين رجليه ما يصده حتى يشق ما بين رجليه ما يصده ذلك عن دينه وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الرجل من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فهو لم يأمر أصحابه بمظاهرات ولا اغتيالات. Et regardez ici comme le récite Cheikh Najmi, Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse. Le messager d'Allah dit à ses compagnons, à certains de ses compagnons, quand ils se sont plaints au prophète alayhi salatu wasalam de ce qu'ils subissent, hein, des mécréants et des associateurs. Et de ceux qui étaient avant vous, à savoir les juifs, les chrétiens, ont ramené l'homme et ont le scié en deux jusqu'à ce qu'il soit coupé en deux. Et ceci ne le fait pas détourner de sa religion. Et il leur dit, Allah subhanahu wa ta'ala va faire que cette œuvre soit complète, c'est-à-dire que cette religion va prendre le dessus et se propager à tel point que l'homme va voyager de Sana'a jusqu'à Hadramaut, du nord du Yémen jusqu'au sud. Il n'aura rien à craindre qu'Allah Azza wa Jal il le loue pour son troupeau. Mais vous êtes des gens qui sont pressés. Subhanallah. Les Ikhwan al-Muslimoun, c'est des gens qui sont pressés. Il Khawarij, la même chose. Donc regardez là, le prophète alayhi salatu wasalam, comme dit Cheikh Najmi, n'a pas ordonné à ses compagnons de faire des manifestations ou là d'assassiner des gens ou là de faire des assassinats. فتنظيم المظاهرات والمسيرات ما كان المسلمون يعرفون المسيرات ولا المظاهرات ولا الاغتيالات فالإخوان هم الذين أدخلوا هذا التشبه بالكفار على المسلمين ومرة خرجوا هنا في شمال فرنسا في مدينة ليل وعقب عليهم صحفي بأنهم خرجوا النساء في الوراء والرجال في الأمام ف رد عليه ممثل المسلمون في الشمال بقوله خرجنا يدا fi yadin ma'a ikhawatina. Et le fait d'organiser des manifestations, ceci de sortir aux manifestations, etc., les musulmans ne le connaissaient pas. Les assassinats non plus. Les Ikhwan al-Muslimoun ont rentré ces catastrophes dans la communauté de l'islam. Ils ont entré chez les musulmans le fait de faire des manifestations, les assassinats et autres. Et tout ceci, c'est une ressemblance avec les non-musulmans. Une fois, il y a une manifestation ici dans le nord, dans la ville de Lille. Et un des journalistes a dit, les extrémistes sont sortis, les hommes devant et les femmes derrière. Et le représentant actuel des musulmans du nord a dit sur l'une des ondes de radio dans le nord, non, ce qu'a dit le journaliste est faux, nous sommes sortis avec nos sœurs coude à coude. Vas-y, subhanallah, en transgressant les lois d'Allah, azzawajal, tu veux ramener le triomphe à la communauté. Subhanallah. Il aurait dû se taire au lieu de faire cette réplique. Ça te montre combien ils transgressent les lois d'Allah, azzawajal, combien ils sont en divergence avec la sunna du prophète, alayhi salam. الملاحظة الرابعة والعشرون تدبير الاغتيالات انظر كتاب النقط فوق الحروف لإخوان المسلمون والنظام الخاص لمؤلفها أحمد عادي الكمال أحد أعضاء الإخوان انظر صفحة 277 من هذا الكتاب موضوع النقراشي الذي كان وزيرا للداخلية ووزيرا للمالية وأصدر في الثامن من شهر 12 سنة 1948 النقراشي أصدر أمره بحل جماعة الإخوان المفلسون ولم تنقضي 3 أسابيع حتى سقط النقراشي في عرينه بوزارة الداخلية برصاص الإخوان المسلمون وكان لذلك أسباب 3 كما أفصح عنها عبد المجيد أحمد حسن الذي اغتاله تهاونه في وحدة مصر والسودان وخيانته لقضية فلسطين واعتداؤه على المسلمين بحل الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية في عصرها وانظر من نفس الكتاب تحت عنوان كيف اغتيل الخازندار Voici la 24e critique qui met Cheikh Najmi contre l'Ikhwan al-Muslimoun fait d'organiser les assassinats. Il faut regarder pour cela l'un des livres d'Yel Ikhwan eux-mêmes, les points sur les i. Et le titre, les points sur les i, les frères musulmans et l'organisation secrète. Il y a une organisation secrète chez l'Ikhwan al-Muflisoun. L'auteur, c'est Ahmed Adil, qui est un des membres d'Yel Ikhwan. Regarde à la page 277 de ce livre. Sujet Nqrashi. Nqrashi Bacha était le ministre de l'Intérieur et le ministre des Finances à cette époque. Et le 8e jour de décembre 1948, Nqrashi Bacha a donné l'ordre qu'on dissout le groupe d'Yel Ikhwan al-Muslimoun. 3 semaines ne sont pas passées, Nqrashi Bacha a été assassiné dans son bureau dans le ministère des Affaires de l'intérieur avec les balles de l'Ikhwa al-Muflisoun. Et pour ceci il y avait 3 causes, comme l'a dit directement, il a déclaré directement Abdelmajid Ahmed Hassan qui l'a assassiné et qui fait partie de l'organisation secrète de l'Ikhwan. Il dit la première, c'est que Nqrashi Bacha négligeait l'unicité de l'Égypte et du Soudan. Il dit aussi que Nqrashi Bacha a trahi la situation palestinienne, la Palestine. Il dit que Nqrashi Bacha, il a commis une injustice en appelant au fait de dissoudre le groupe d'Yel Ikhwan al-Muslimoun, qui est l'une des plus grandes organisations actives islamiques à notre époque. Et aussi, regarde dans ce livre, à la page 218, sur le titre « Comment a été assassiné Khazindar ?» فتدبير الاغتيالات وتدبير اغتيال النقراشي باشا كان رئيس للوزراء في زمن الملك فاروق لما كان البنا حيا موجودا، فاغتالته جماعة الإخوان وهم الذين فتحوا هذا الباب وسنوا هذه السنة السيئة، سنة الاغتيالات في عصرنا الحاضر. Et la 24e critique ici tout montre à quel point ils vont et aux extrêmes vers lesquels ils vont jusqu'à assassiner pour arriver à leur but. Naqrashi Bacha était le premier ministre. Il était le premier ministre à l'époque du roi Farouk. À l'époque, il vivait à la même époque que Hassan al-Banna. Et là, le groupe d'Ikhwan Muslimoun et surtout la fraction secrète de cette organisation et la fraction armée secrète ont ouvert cette porte, ils l'ont assassiné, ils ont ouvert cette porte des assassinats. Ils ont fait cette sunna dans le monde musulman maintenant. La sunna des assassinats. Et Naqrashi Bacha, qui a été assassiné par Naqrashi Bacha, qui a été assassiné par l'Ikhwan Muflisoun, لم ينقل أنه كان خبيثا بل نقل إلينا أن المحدث أحمد شاكر أثنى على هذا الرجل وتألم لموته ووصف من قتله بأنهم خوارج، وهذا موجود في مقال الله في جمهرة مقالات الشيخ أحمد شاكر. Et cet homme qui Naqrashi Bacha que les Ikhwan al-Muflisoun ont assassiné ne les a pas été rapporté comme quoi que c'était un homme mauvais. Mais il nous a été rapporté le contraire. Le Mouhaddid Ahmed Shakir, qui est un des grands Mouhaddid contemporains, rahmatullah alayh, il a fait des éloges à cet homme. Il a fait des du'as pour cet homme, que Allah subhanahu wa ta'ala le comble de sa sainte miséricorde, à sa mort. Et il a désigné et décrit ceux qui l'ont assassiné comme quoi ce sont des khawarij. Et ceci, il est dans les exposés d'eux, l'ensemble des exposés qui sont édités de Ahmed Shakir, rahimahullah ta'ala. فالظاهر أن الرجل كان معاديا فقط لجماعة الإخوان، هذا هو ذنبه، فهذا صراع سياسي وليس بصراع ديني بين النقراشي والإخوان. Mais la situation apparente dans ce dilemme et dans l'assassinat de Naqrashi, c'est ce qui apparaît, c'est que Naqrashi était contre l'Ikhwan musulman. Ça c'est son péché tout simplement chez l'Ikhwan, mais ce n'est pas un péché en soi. Et la lutte qu'il y a entre Naqrashi et l'Ikhwan al-Muflisoun, c'est une lutte politique. Ça n'a rien à voir avec la religion. فلما أمر نقراشي بحل الجماعة قتلوه وزعموا أنه خائن للإسلام، وهكذا الإخوان، هذه طريقتهم وهذا منهجهم، وبهذا تسببوا في قتل البنا. والمؤرخ المعروف الزركلي يقول في كتابه الإعلام، يقول لما اغتيل النقراشي باشا، والنقراشي كان له حزب وله أنصار وأتباع وعائلة، نادى أتباعه وأنصاره في جنازته رأس البنا برأس النقراشي، فهذا توعد باغتيال البنا، ولم تمض مدة طويلة حتى اغتيل البنا، ولم يكن اغتياله لأجل الدين وإنما فأرا لرئيس الوزراء النقراشي باشا. دونك كنت Naqrashi Bacha a dissous Jama'at l'Ikhwan al-Muflisoun, ils l'ont assassiné. Ils ont prétendu, comme à leur coutume, que c'est un traître, qu'il a trahi l'islam. Et ainsi l'Ikhwan al-Muslimoun, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec eux, qui ne suit pas leur voie, c'est un traître. C'est leur voie, ils sont ainsi. Ainsi, en agissant ainsi, ils ont causé l'assassinat de Hassan al-Banna. L'historien connu Zarkali, dans son livre l'Ilam, il dit quand Naqrashi a été assassiné, Naqrashi il a un parti politique, il a des alliés, il a des disciples, il a une famille. Ses disciples durant sa janaza, ils ont crié la tête de l'Banna pour la tête de Naqrashi. Vengeance. Ainsi, c'était comme quoi que nous allons, c'est une promesse pour assassiner l'Banna. Et le temps n'est pas passé jusqu'à ce que le Banna soit assassiné. Mais l'assassinat de le Banna n'a pas été pour un but religieux. Mais tout simplement, c'est une vengeance. Et c'est pour la politique. Point final. Le Banna a été fait par la même façon qu'il a été fait par le Naqrashi. Et cette famille qui a été fait, elle a été fait. Et vous avez fait ce que vous avez fait. Et vous ne vous demandez pas ce qu'ils ont fait. ولسنا بصدد الحكم عليهم، نستغفر الله، ولكن نقول من الذي تسبب في اغتيال البنا؟ من الذي سن هذه السنة التي كان البنا ضحية من ضحاياها؟ فالجناح السري للجماعة هو السبب، والتربية التي تربوا عليها هي السبب، والمنهج الذي تغدوا به هو السبب. دونك البنا ايتي اساسيني دو لا ميم فاصون كا ايتي اساسيني لو برومي مينيستر النقراشي. Mais ça, c'est une communauté, comme il est dit dans le Coran, c'est une communauté qui est passée. Ils auront ce qu'ils ont gagné. Et on aura, nous, ce que nous avons gagné. Et nous n'allons pas être questionnés sur ce qu'ils ont fait. Mais là, nous ne sommes pas en train de les juger, d'y mettre une sentence pour eux. A'oudhou billah. Mais nous disons que ce qui a causé l'assassinat de Hassan al-Banna, c'est la sunna qui a été instaurée par Hassan al-Banna et par le groupe d'Al Ikhwan al-Muslimin, et Hassan al-Banna, et a été la victime de la sunna qu'il a instaurée, qu'a instauré son groupe. L'aile secrète de l'Ikhwan al-Muslimoun, c'est la cause de l'assassinat de Hassan al-Banna. Et l'éducation sur laquelle sont éduqués l'Ikhwan, c'est la cause de l'assassinat de Hassan al-Banna. Et la voie avec laquelle ils sont nourris, et la voie sur laquelle ils sont, et l'idéologie dans laquelle ils baignent, c'est elle qui a causé l'assassinat de Hassan al-Banna. فالمقصود أخ الإسلام أن الإخوة المفلسون فتحوا هذا الباب باغتيال النقراشي باشا، وبعد 40 سنة يعيدون الكرة ويغتالون أنور السادات. فالذين قتلوا السادات هم من الجماعات المتفرقة عن المتفرقة عن الإخوان، وقتل السادات لم يكن خيرا للدعوة ولا لمصر، وساءت الأحوال بعد ذلك، والله المستعان. فهذا هو التاريخ المظلم للإخوان المفلسون. إذا لم يمشي الحاكم على طريقتهم كفروه، وإن تمكنوا منه قتلوه. سنة الاغتيالات سنة سيئة، وهي من سنن الإخوان المفلسون. Le but, frère en Allah, c'est que l'Ikhwan al-Muflisoun ont ouvert la porte de l'assassinat politique. Ils ont assassiné Nqrashi Bacha. Après 40 ans après, ils ont recommencé, ils ont assassiné Anwar Sadat. Car ceux qui ont assassiné Anwar Sadat, c'est un groupe qui est dévié, qui est sorti du giron de l'Ikhwan al-Muslimoun. Et Sadat a été assassiné. Et avec l'assassinat de Sadat, ça n'a pas été un bien pour la da'wa, ni pour l'Égypte. Et la situation est devenue catastrophique en Égypte après l'assassinat de Sadat. Et ça, c'est l'histoire contemporaine noire et sombre des Ikhwan al-Muflisoun. Dès que le juge, ou là, dès qu'un savant, un da'i, ne marche pas sur leur voie, ils le rendent mécréant. Et s'ils peuvent l'assassiner, ils vont le faire. Et ça, c'est la mauvaise sunna qu'ont introduit l'Ikhwan al-Muflisoun, les assassinats politiques. Fansallah subhanahu wa ta'ala, salama wa l'afiya. ويقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى وأنا لا أنصب نفسي خصما للإخوان في فعلتهم ولا أدافع عن أعداء الإسلام إلا أني أفهمهم أن مثل هذا الصنيع لا يقره الإسلام. فالله تعالى يقول وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غاضر لواء يوم القيامة يقال هذه غضرة فلان بن فلان، والله تعالى لم يرضى الغضر من عباده المؤمنين حتى ولا في حق الكفار الصرحاء. قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. الشيخ النجمي دو ندير moi je ne me mets pas comme ennemi aux ikhwan al-muslimoun dans ce qu'ils ont fait. Ni je m'oppose à eux, ni que je suis un juge, ni je défends les ennemis de l'islam, mais je veux leur faire comprendre que ce genre d'actes, l'islam ne l'approuve pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Sourate Yusuf, que Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les traîtres. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, le jour de la résurrection, un drapeau sera levé, pour chacun qui a été traître. Et il lui sera dit, ça, c'est le drapeau de la trahison que tu as fait vis-à-vis de tel et de tel. Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas la trahison de ses serviteurs croyants, même vis-à-vis des mécréants, il ne l'agrée pas. Il y dit dans le verset dans Sourate Al-Anfal, si tu as peur d'un peuple de mécréants avec lequel tu as un pacte, bah, tu ne dois pas les attaquer directement. D'abord, tu les avertis comme quoi il n'y a plus de pacte avec eux. Comme ça, toi, tu as peur d'eux et eux, ils vont savoir que s'ils doivent prendre précaution, que tu n'as plus de pacte de paix avec eux. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les traîtres. Tu ne vas pas les surprendre. Tu sais qu'ils vont te faire. Tu as un pacte avec eux. Et tu as le soupçon comme quoi ils vont te faire du mal. D'abord, tu leur rends leur pacte. Tu les avertis comme quoi il n'y a plus de pacte entre nous. Hada, c'est les enseignements de l'islam. Et non pas trahir les gens et les poignarder dans le dos. Qala ibn Kathir rahimahullah. Fi tafsir hadhihi al-ayah. Wa imma takhafanna min khawf min qawmin khiyanatan. أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثق والعهود فانبذ إليهم عهدهم على سواء أي أعلمهم أنك نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب عليهم وأنهم حرب عليك وأنه لا عهد بينك وبينهم على سواء أي تستوي أنت وهم في ذلك ثم أورد حديثا من مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى ابن كثير de nous dire pour l'interprétation de ce verset. Et si tu as peur d'un peuple, tu as peur de la trahison d'un peuple, et qu'ils vont trahir le pacte que tu as entre eux, entre toi et eux, avertis-les. Pour que vous soyez à pied d'égalité, avertis-les. Comme quoi, il n'y a plus de pacte entre vous. Comme ça, ils vont savoir que tu es une guerre pour eux, et eux, ils sont une guerre pour toi. Qu'il n'y a plus de pacte, hein, de paix. Comme ça, vous êtes à pied d'égalité. Et il a ramené aussi un hadith dans le Musnad de l'imam Ahmed. An Sulaym ibn Amir قال كان معاوية يسير في أرض الروم وكان بينه وبينهم أمد فأراد أن يدنو منهم فإذا انقضى الأمد غزاهم فإذا شيخ على دابة يقول الله أكبر وفاء لا غدر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء قال فبلغ ذلك معاوية فرجع وإذا بالشيخ عمرو بن عبسة رضي الله عنه وهذا الحديث رواه أبو داود أبو داود الطيالسي عن شعبة وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Écoute maintenant, hein, ceux qui écoutent la parole du prophète عليه الصلاة والسلام et qui les mettent en application. Dans le Musnad, Ibn Kathir, quand il a interprété ce verset, il a ramené ce hadith pour donner encore plus de clarté. Il a dit dans le Musnad de l'imam Ahmed que Sulaym ibn Amir était avec Muawiya et il marchait vers la terre des Romains. Et avec les Romains, ils avaient un pacte, mais le pacte, il n'est pas encore terminé. Arrivé, hein, peut-être à son milieu ou là à sa fin, peu importe. Mais lui, il avançait, Muawiya avec son armée avançait pour que juste au moment où le pacte se termine, il les attaque. Et tout d'un coup, il y a un vieillard sur sa monture. Il a dit Allahu Akbar. Il faut respecter son pacte. Il ne faut pas trahir. Car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui a un pacte avec un peuple, qu'il le respecte, qu'il ne le trahit pas, qu'il ne le nulle pas jusqu'à la fin. Ou alors, il doit les avertir comme quoi il n'y a plus de pacte avec eux. Et ceci a été transmis directement à Muawiya. Et Muawiya est revenu. Regarde. La parole du prophète alayhi salatu wasalam lui est arrivée, il est revenu. Et ce cheikh, c'est Amr ibn Abbas. Le hadith l'a rapporté par Abu Daoud, par Tirmidhi, par autre. Fa. أين هؤلاء الناس؟ أين الإخوان المفلسون؟ أين الخوارج؟ أين من يفجرون بلاد الكفار من هذه الأحاديث؟ من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشد حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فأين هؤلاء الذين يفعلون الأفاعل من كلام خير البرية؟ هذا فإذا كان بينك وبين الكفار عهد فلا يجوز أن تنقض هذا العهد والآن يوجد مواثق وعهود بين الدول فلا يجوز لأحد أن يتعداها فهذا غدر من maintenant, où sont les Ikhwa al-Muflisoun, les Khawarij et tous les éclatés? Où sont-ils de cette parole de les meilleurs des créatures qui est Mohammed alayhi salam? Tu as un pacte avec des gens, il ne faut pas l'annuler. Ou alors il faut les avertir. Où sont ceux qui posent des bombes partout, que ce soit dans les pays de mécréants ou là que ce soit dans les résidences de mécréants, dans les pays de l'islam et ainsi de suite? Où sont-ils de cette parole du prophète alayhi salam? Parce que quand tu as un pacte avec des mécréants, il ne t'est pas permis de l'annuler. Et maintenant, il y a des pactes entre eux, les pays de l'islam et les pays de mécréance. Donc, il n'est pas permis à quelqu'un de trahir et d'annuler ces pactes qu'ont fait les gouverneurs des pays musulmans avec les pays de mécréance. Mais regarde cela. Non, c'est un pays de mécréants, donc il n'y a pas de problème d'assassiner, là, de mettre des bombes, de tuer des innocents, etc. N'importe quoi. N'importe quoi. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il gagne l'islam de tout ça? Que gagne Dawa de tout ça? Le mal. Noircir le tableau encore plus qu'il ne l'est des musulmans. Mais l'islam est innocent de ces actes. ولكن الآن نحن مبتلون بهؤلاء المهوسين من الشباب ما يحترمون هذا الكافر الأجنبي الذي دخل بلاد الإسلام بأمن وأمان وعهد من ولي أمر البلاد فهذا مستأمن ولا يجوز التعرض له ولا يجوز قتله ولكن المهوسين الذين ابتلينا بهم يظنون أن قتل هؤلاء المستأمنين من الجهاد في سبيل الله فهذا غدر فانظر كيف انعكست عندهم الأمور فالغدر ونقض الميثاق يسمونه جهادا aujourd'hui sont éprouvés par ces jeunes qui ne sont pas conditionnés par le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna du prophète et qui font n'importe quoi, qui ne respectent pas ces mécréants qui rentrent, ces mécréants étrangers qui rentrent dans un pays de l'islam. Ils sont rentrés avec des contrats, ils ont reçu la sécurité du gouverneur du pays, etc. Donc ils sont sous la tutelle du gouverneur, il n'est pas permis de les toucher, de leur faire du mal. Il n'est pas permis de les assassiner. Mais ces jeunes perturbés, avec lesquels on est éprouvés, croient que le fait de les tuer, c'est un combat sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une trahison. Regarde comment les situations se sont renversées dans leur esprit. La trahison est devenue, et le fait d'annuler les pactes et trahir, c'est devenu un combat pour eux. A'oudou billahi min al-khidlan. Yusammouna al-umoura bighayri ismiha. Yusammouna al-umoura bighayri ismiha. كمن يشرب الخمر ويسميها الشراب الروحي أو اللبن أو الحليب وهكذا هؤلاء الغدر والخيانة ونقض الميثاق يسمون ذلك كل ذلك يسمى عندهم جهاد ومع الأسف الشديد هكذا هؤلاء الذين تربوا في أحضان هذه الجماعات المنحرفة يستعملون الغدر ونقض الميثاق وهم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم أهل جهاد وحماة لعقيدة ودعاة ورعاة للدين وأهل غير دينية ما أسخف عقول هؤلاء الناس هم والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واصف الخوارج حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام et ces gens-là, ils appellent les actes qu'ils font, ils leur donnent d'autres noms qui ne sont pas les leurs. Ils changent le nom des choses. Ceci ne change pas la réalité de la chose quand tu changes son nom. Comme celui qui boit du vin et qui l'appelle la boisson spirituelle. Ou l'appelle le lait. Ou l'albn. Et cela, la trahison et le fait d'annuler les pactes, ils appellent ça combat sur le sentier d'Allah avec grand regret. Malheureusement, tous ceux qui sont éduqués à l'intérieur de ces groupes, l'Ikhwan, l'Yassinite, l'Tala'i, l'Qutbiyoun, l'Hijra, l'Tkfir, ou l'Hijra, ou l'Hijra, ou l'Tkfir, Bidoun, l'Hijra et autres, tous détournent l'essence des mots. Et tous assassinent, trahissent, annulent les pactes. Et ils se voient comme quoi ce sont des combattants. Que ce sont des gens qui protègent l'aqidah, que ce sont des gens qui protègent la religion, que ce sont des gens qui réagissent pour la religion et qui ont des sentiments, de nobles sentiments pour la religion. Ils sont vils leurs raisons. Et s'il y avait un marché de raisons pour leur acheter des raisons, il faut leur en acheter, parce qu'ils n'en ont pas. Et comme il a dit le prophète, alayhi salam, en décrivant le khawarij, ce sont des jeunes qui sont insensés. jeune et insensé. Comme il a dit Khil Khawarij. Fandurhum. Sigharun fi sinnim. Sufaha fi uqulim. La khibratalahum. La hikmatalahum. La iqlalahum. La fiqhalahum. Inna lillahu wa inna ilayhi raji'un. Regarde-les quand ils le voient. Quand on les présente à quelqu'un de recherché, etc. Ils sont jeunes et tu vois qu'ils sont insensés. Ils n'ont pas d'expérience, pas de science, pas de sagesse, rien. Rien, pas de jurisprudence. Allah, nous appartenons vers Allah, nous allons revenir. يأتي من يبول في أذنيه يلبس هذا الحزام وادخل في هذه الحافلة أو هذا القطار فيذهب بدون تفكير أو تردد وما يفعل هذا إلا سفيه في عقله ضعيف في شخصيته لا رصيد له في البضاعة العلمية ولا رشد عنده ولا حكمة ولا فقه فالله المستعان. Et quelqu'un il vient, il urine dans ses oreilles. Mets cette ceinture, ceinture avec des explosifs. Va rentre dans ce métro, rentre dans cette voiture, va dans ce train. Ils sont pensés. On lui a fait un lavage de cerveau, ils sont pensés. Il monte, et sans hésitation, il y va. Il s'envoie dans la gueule du loup. Il saute lui, il tue des innocents et il noircit l'image de l'islam et des musulmans. Et ceci ne le fait que quelqu'un qui est insensé, quelqu'un qui n'a pas sa raison, quelqu'un qui est faible dans sa personnalité et dans sa raison, et qui n'a aucun bagage, et qui n'a aucun bagage scientifique, qui n'a aucune sagesse, et qui n'est pas arrivé à l'âge de maturité. Fansallah subhanahu wa ta'ala, salama wa al-afiyya. وقد أنكر صنيع الإخوان في الاغتيالات الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه المسمى فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله وعلى وهذا على مثالهم يسير ولكن انتقدهم في هذا الباب فقال واليوم ابتلينا بمن يتصدر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فينتحلون الاغتيالات السياسية والأعمال الهمجية الغوغائية والاستعانة على الباطل بالباطل وإذا جئت تنصحهم وتقول لهم إن هذه أخطاء اتهموك بالكفر والزندقة والمروق ومخالفة سبيل المؤمنين والمجاهدين يبوسي منتنو. Il y a quelqu'un mais qui est sur la même voie qu'eux. Et les hommes de science considèrent qu'avec un moindre mal, mais il est pas sur la voie d'El Salaf. Qui les a critiqués aussi à ce niveau. Et qui les a blâmés à ce niveau. Il s'appelle Cheikh Abdelrahman Abdelkhalq, c'est un Égyptien qui vit au Koweït. Dans son livre, chapitres dans la politique de la législation, et la da'wa ila Allah. Il a dit aujourd'hui, nous sommes éprouvés par des gens qui vont au devant de la scène qui se mettent au devant de la scène au niveau de la da'wa et qu'ils pratiquent les assassinats politiques et les actes barbares et ils utilisent le faux et le mal. Et quand ils les conseillent que ceci est faux, ce que vous faites, ces assassinats et ces destructions que vous faites, etc., ceci est une erreur, ils t'accusent comme quoi tu es un mécréant, tu es un zindiq, un hypocrite, que tu es sorti de la religion, que tu es sur une autre voie qui est en divergence avec la voie des croyants et des combattants. وهذا كذلك كلام الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وإن قلت لهم اعترفوا بأخطائكم لتتجاوزوها زعموا لأنفسهم وقادتهم العصمة وأنكروا الحقائق وجادلوا بالباطل ولولا أن الدين الذي يحتمون به عظيم وقد نشره غيرهم لما وجد هؤلاء طريقا إلى قلوب الناس وعقولهم. انتهى من كلام عبد الرحمن عبد الخالق. Voici encore un autre paragraphe que rapporte Cheikh Najmi Hafidhahu Allah Ta'ala de cette critique de عبد الرحمن عبد الخالق. Il dit, et si tu leur dis, reconnaissez vos erreurs, tu tournes vers ceux-là qui tombent dans les assassinats politiques, etc., qui font des actes qui sont contraires à la sunna, Reconnaissez vos erreurs pour que vous les dépassiez. Ils prétendent pour eux-mêmes et pour leader et pour leur chef le fait qu'ils sont épargnés de l'erreur. Al-Isma. Et ils ne reconnaissent pas les réalités. Et ils polémiquent avec le faux. Et si la religion avec laquelle ils se protègent n'est pas énorme chez Allah Azza wa Jal, et qu'il a été propagé par d'autres que ceux-là, ben ils n'auraient pas trouvé un chemin pour arriver dans le cœur des gens. C'est-à-dire, comment ils arrivent à avoir le commun du musulman? C'est par le biais de la religion. Ils déguisent les situations. Ils utilisent un langage pour attirer les foules et attirer les gens qui n'ont pas de science et les jeunes, etc. يقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى وإنهم حين يعملون مثل هذه الأخطاء الفادحة وهم يزعمون أنهم دعاة إلى دين الله يحملون الدين تبعة أخطائهم وأخطاء كل من نسبوا إلى الدين عند عامة الناس وغوغائهم ومن يريدون تشويه سمعة أهل الدين ينفروا عنه أهل عنه فكان في ذلك مساهمة في التنفير عن الدين وتشويه لسمعة الدين وأهل الدين وإعانة منهم لكل عدو متربص ليستغل الإثارة ضد الدين الحنيف. الشيخ النجمي دو كريتيكي دو لي كريتيكي دو كريتيكي الإخوان يدي سكيل فون ce genre d'erreurs qu'ils font, ces erreurs qui sont énormes et claires, alors qu'ils prétendent que ce sont des prêcheurs vers la religion d'Allah Azza wa Jal et qu'ils protègent la religion d'Allah Azza wa Jal. Agissant ainsi, ils collent leurs erreurs à la religion. Et ils collent les erreurs qu'ils font et les erreurs qu'ils font à ceux qui sont musulmans. Hein? Et dans l'esprit de commun du musulman, ils attribuent ça à ceux. Le commun du musulman, ils disent, ah bah c'est ça. C'est ça ceux qui sont dans la religion. C'est ça qui se comprennent à la sunna. C'est ça qui appelle à la sunna. C'est comme ça qu'ils agissent. Non, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de noircir l'image des gens de la religion pour éloigner les gens d'eux. Et ça, de leur part, c'est de contribuer à éloigner de la religion et à noircir l'image de la religion et les gens de la religion. Et agissant ainsi, ils sont une aide pour les ennemis de la religion qui attendent tout moment pour casser les musulmans et pour attaquer l'islam et les musulmans. Et on n'a pas besoin de dessins. Regardez ce qui se passe autour de nous. Les paroles d'El Cheikh Najmi sont véridiques. ويقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى ولقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين نفاقا اعتقاديا بعد أن عرف أعيانهم خوفا من أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه فيستغل ذلك أعداء الدين في التنفير عن الدين مع ما لقي منهم فقد هموا بالإطاحة به ليلة العقبة لولا أن الله عز وجل قد عصمه وأخبر حذيفة بن اليمان بأسمائهم واستسره. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tué les hypocrites. Des gens qui sont hypocrites connus, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a connus, et ayant une hypocrisie au niveau des croyances. Donc, une hypocrisie qui sort de l'islam. Il les connaissait individuellement. Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait connaître individuellement. Pourquoi il les a pas tués? Pour qu'on ne dise pas que Mohammed a.s. tue ses compagnons et que les ennemis de la religion prennent ce prétexte, cet acte pour faire éloigner les gens de la religion. Alors que ces hypocrites ont essayé de le faire tomber la nuit où les délégués de la des tribus d'Aws ou al-Khazraj et des Médinois sont venus lui faire l'allégeance. Alors que là, et seulement Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a annoncé le nom des hypocrites à Hudayfa ibn al-Yaman. Il lui a dit, ne le dis pas à personne. وقبل ذلك قال عبد الله بن أبي مقالته التي ذكرها الله في سورة المنافقين، ففضحه الله وأظهر ما كان يكتمه من عداوته للدين وللرسول الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، حتى عرض ابنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله ويأتيه برأسه، خوفا من أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بقتله فتحمله الحمية أن يقتل مؤمنا بكافر فيكون من أهل النار. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: بل نترفق به ونحسن صحبته ما دام معنا. يا بون سا اوسي لي اوسي عبد الله بن ابي لا بارول كي لا ديت ها الله سبحانه وتعالى نوزا سيتي دون القران من سوره لي زيبوكريت الله سبحانه وتعالى ا مونتري او بروفيت عليه الصلاه والسلام ديفولغي لا سيتياسيون دوبي ها الله سبحانه وتعالى ا مونتري سكو كاشي ابي دون سون انتيريور et a montré au prophète la haine qu'il avait contre la religion, contre le prophète qui a ramené cette religion, à tel point que le fils de Ubay est allé voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit: laisse-moi le tuer, je vais le tuer, je te ramène sa tête, et je te ramène sa tête par peur que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ordonne à un compagnon, à un croyant, d'aller tuer Ubay. Et dans ces cas-là, l'hamia, le lien du sang, etc., va prendre le dessus, et lui et le fils de Ubay tuera un croyant par la vengeance pour un mécréant. Il avait peur de cette situation-là. Et dans ces cas-là, il va être parmi les gens de l'enfer. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a refusé. Il a dit: non, tant qu'il est en notre compagnie, laisse-le. Laisse-le tant qu'il est, nous allons être des bons compagnons pour lui. C'est rapporté par Ibn Kathir, rahmatullah alayh, dans le Bidaya ou le Nihaya. وما كان المانع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل المنافقين مع معرفته بأعيانهم إلا أن يشاع في العرب أنه يقتل أصحابه فيستغلها أعداء الإسلام في التنفير عن الإسلام. وإن الواجب على أصحاب كل دعوة إسلامية يزعم أصحاب أنهم يدعون إلى الإسلام أن يتقيدوا بأوامر الإسلام ونواهيه وأذابه ولا يذهب بهم الهوى مذاهبة عن الإسلام كثيرا أو قليلا. Qu'est-ce qui a empêché maintenant le prophète, alayhi salam, comme dit Cheikh Najmi, de tuer les hypocrites? Alors qu'il les connaissait, chacun par son nom, il savait qui ils étaient. Pour qu'on ne propage pas dans le milieu des Arabes que Mohammed tue ses compagnons, que les ennemis de l'islam utilisent ceci pour les faire éloigner de l'islam. Et Cheikh Najmi de dire, il est obligatoire pour ceux qui s'occupent de la da'wah en islam et qui prétendent qu'ils appellent vers l'islam, qu'ils se conditionnent avec les ordres de l'islam, qu'ils se conditionnent avec les interdits de l'islam, qu'ils aient le comportement de l'islam, qu'ils n'errent pas avec leur passion, qu'ils ne suivent pas leur passion, qu'ils vont les éloigner loin ou moins loin de l'islam et de la réalité de l'authenticité de l'islam. Et qu'au le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, inna al-islam dinu naqa والوفاء وليس للغدر والخيانة فيه مكان ونحن نعلم أن الإسلام أباح للإنسان إذا ظلم أن ينتصر ولكن بالطريقة المشروعة وليس بالطرق الملتوية وبقدر مظلمته فقط لا زيادة فمن سبك واحدة لا يجوز لك أن تسبه اثنتين وإن عفوت كان ذلك خيرا لك. الشيخ دو ندير الإسلام c'est une religion de pureté et de propreté et de on tient sa promesse dans l'islam, c'est l'un des principes de l'islam, et aussi il n'y a pas de trahison dans l'islam, on n'annule pas son pacte dans l'islam, on ne trahit pas les gens, et la trahison n'a pas de place dans l'islam. Et on sait, dit Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, que l'islam a autorisé à celui qui a subi une injustice qu'il triomphe, mais avec la loi, avec la voie légiférée, et non pas par les chemins de la trahison et des chemins qui ne sont pas légiférés dans la religion de Allah Azza wa Jal. Et quand il prend sa part, il prend juste, hein, qu'il soit juste dans la vengeance qu'il est en train de faire, ou là, pour s'acquitter de l'injustice sur laquelle qu'on a commis sur lui, qu'il ne rajoute pas. Et il dit comme exemple, si quelqu'un t'insulte une fois, insulte-le une fois, et non pas deux. Hein? Et si tu excuses, ce sera encore mieux. نقول ختاما أين هؤلاء الذين يشوهون صورة الإسلام بالتفجيرات والاغتيالات للأبرياء وما يفعلونه في بلاد الكفر ودخلوها بأمان وأعطوا الإقامة فيها ولله بعضهم أعطي فيها اللجوء السياسي ومع ذلك يفعل فيها الأفاعيل و يقتل فيها الأبرياء ويشوه فيها صورة المسلمين وصورة الدين. Maintenant, pour en résumé, en conclusion, pour terminer, où sont ceux qui dénigrent les images de l'islam et l'image des musulmans? En mettant des bombes là ou là, en appelant à des assassinats ou là, en assassinant les innocents. Et ce qu'ils font dans les pays de la mécréance, alors que ce sont des pays dans lesquels ils sont rentrés avec sécurité, avec pacte, où on leur a donné des cartes de résidence. Peut-être certains, on leur a donné même l'asile politique. Malgré tout ça, ils appellent à l'assassinat dans ces pays. Ils appellent au fait de poser des bombes, etc., etc. Où sont-ils de cette éducation musulmane et de ces principes qu'il y a dans l'islam? Sallallahu subhanahu wa ta'ala nfaqahna wa iyyakum fi dinina. صلى الله سبحانه وتعالى جعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم وجزاكم الله خيرا.